You're listening to Royal Audio Tunes. Toujours je rappe la vie. Ouais, ouais, cette vie qui fait mal, cette vie qui fait mal. Je rappe la vie. Ouais, ouais. Moi j'ai connu les brocards, les salopes, les gros bâtards. Ma vie dure à raconter, pas assez de lettres dans l'alphabet. J'ai trop rencontré ces stars grâce à ces cons, je marche à pied. Bientôt le bracelet à mon pied, mais j'aurais pu y échapper. Celle qui m'a niqué ma vie, à son coup je l'aurais pas pris. À 17 ans joue le daron sans même qu'on ne m'ait rien appris. Plus tard l'alcool dans mes soucis me détruit et me narcit. Donc souvent je pars en vrille. J'accumule les sticks, les verres et les ennuis. Je fréquente des drôles de loustiques qui me détournent de ce que je suis. Aujourd'hui je suis dans la passe, tout seul à chercher l'issue. Mais je veux me reconstruire, c'est pour ça que je suis. Je ne veux pas être ce qu'on croit que je suis. Le mal-être puis le bonheur, je veux vivre cette suite. J'ai du temps à rattraper depuis 98. Ma jeunesse m'a échappé, salopelle a pris la fuite. Je veux qu'il en ressorte plus fort, mon crâne rasé, affûté. Pour choisir ma voie, j'avoue j'ai pas été futé. Mais j'userai de ma voix, de tout ce que j'ai dans le futal. Pour refaire de moi quelqu'un de bien, de respectable. C'est la vie que je rappe, la vie est toute sa mère. Cette vie est tous ses drames, cette vie qui nous énerve. Si, si, celle qui nous fait boire, nous fait fumer de l'herbe. Si, si, celle qui nous fait boire, nous fait fumer de l'herbe. J'rappe ma vie, nos vies, toutes nos envies. Si t'écoutes ce que je dis, tu verras ta vie. L'ami, prends-moi comme mauvais exemple. Et là, t'éviteras tout ce qui m'a niqué à moi. J'rappe ma vie, nos vies, toutes nos envies. Si t'écoutes ce que je dis, tu verras ta vie. L'ami, prends-moi comme mauvais exemple. Et là, t'éviteras tout ce qui m'a niqué à moi. J'ai frôlé trois fois la mort, une noyade, un coma. Tout ça à 7 ans à peine, mes parents ont eu cette peine. Troisième fois à 17 piges, à peu près. Opération cardiaque, j'ai eu la mort comme compagne. Alors si t'as la santé, non, ne te plains pas. Fais comme moi, prends la vie dans tes bras. Mais ne l'unique pas sa mère si elle te fait des coups bas. Plus d'une fois avec elle, tu devras faire des combats. Si tu veux pas tomber par terre, finir tout en bas. Comme moi je l'ai fait plus d'une fois. Et si tu ne me crois pas, de te demander à mon foie. Il te dira j'ai trop fait des tiliques coma. Moi je te dis que la haine ne s'arrange pas quand tu bois. La souffrance est une chaîne qui dans l'alcool sait nager. J'ai trop plongé dans cette merde qui n'a pas su m'arranger. Alors si tu vis la même, essaie de te ranger. Même si tu as les nerfs, évite de te les ronger. Avant que ce soit la mort qui vienne tout trancher. Dieu il voit tout, non tu ne peux pas tricher. Je viens pas te donner de leçons, c'est mon vécu que je viens partager. Et je ne vais pas te dire depuis quel âge, depuis quel âge j'ai. Moi je rappe ma vie. Je rappe ma vie, nos vies, toutes nos envies. Si t'écoutes ce que je dis, tu verras ta vie. L'ami, prends-moi comme mauvais exemple. Et là t'éviteras tout ce qui m'a niqué à moi. Je rappe ma vie, nos vies, toutes nos envies. Si t'écoutes ce que je dis, tu verras ta vie. L'ami, prends-moi comme mauvais exemple. Et là t'éviteras tout ce qui m'a niqué à moi. Ouais t'éviteras les sales races, les tribunaux, les flics, les mauvaises fréquentations. Tu sais celles qui t'incitent, celles qui te font voir bonheur dans la drogue et l'illicite. Sans même se soucier de ceux que ton cœur il abrite. Fais gaffe aux faux amis qui te considèrent comme un bout de shit. Que tu ne verras plus ce jour où tu chutes. Là c'est ta voix qui résonne mec, dans ta vie fais confiance à peu de personnes. Ouais mon ami, surtout pas une de ces connes, une de celles qui joue les bonnes, qui se la pète et qui m'étonne. Elle t'en fera voir des tonnes. Je rappe nos vies. Ouais. Initio rappe sa vie. Je rappe ma vie, nos vies, toutes nos envies. Si t'écoutes ce que je dis, tu verras ta vie. L'ami, prends-moi comme mauvais exemple. Et là, t'éviteras tout ce qui m'a niqué à moi. Je rappe ma vie, nos vies, toutes nos envies. Si t'écoutes ce que je dis, tu verras ta vie. L'ami, prends-moi comme mauvais exemple. Et là, t'éviteras tout ce qui m'a niqué à moi. Je rappe ma vie. Ouais.